We'll be right back. Prime Minister. It isn't. Canada, let us not forget Brian Adams. Ryan a promis de m'aimer et de me chérir pour toujours, pas jusqu'à ce qu'une petite pimbèche blondasse arrive et lui fasse de l'œil sans se cacher. J'ai rappelé mille fois son engagement envers lui. Le résultat est concluant. Voilà. Minister, it isn't like this film is the first... on several occasions. Thank you. No trouble.